l'herbe fraîche qu'entrevient la saison. Les ruminants ruminent, paisibles se dit-on. On les croise zen à regarder passer les trains, les trains-trains quotidiens et le tracas des charrettes. Image d'Épinal et bucolique musette. Immobile, statue de chair, prenant l'air de rien. Leur cœur ballant et profond, où palpite. Leur âme rumine, sans un son, la pépite. Le passant les voit indifférents, ne se doutant nullement du tourment, de la tragédie qui se joue dans le silence de la boue. Dans le labour et dans la bouse, ils piétinent. Vaille, vaille. Et on ne perçoit que le calme. L'intérieur est un champ de bataille où les sourires et les projets se défient en duel sans arrêt. Le silence est un cri muet, un poème que personne ne lit. Un monologue intérieur sans fin, d'une tristesse à vous couper la fin. Patiente, un enthousiasme qui fait mousse, un espoir fragile qui se bat contre le vent. Le regard est un miroir, un reflet de nos propres contradictions, un appel à la compassion et à l'empathie pour briser les remparts de l'indifférence et de l'apathie. L'herbe qui pousse sous vos pieds. Profitez, ruminez.